Ce vendredi 22 avril 2016, à la vie en BD, on plonge dans le Québec des années 50 avec Jean-Paul Hyde et sa femme aux cartes postales. On dresse un bilan de la bande dessinée québécoise en 2015 avec Michel Viaud et une sélection d'auteurs BD par Paul Bordelot. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Riche émission cette semaine, notamment ben on renoue avec Jean-Paul Hyde quelques années après Le Fond du Trou. Côté BD, donc c'est une pause qui l'a amené à nous offrir tout récemment là, La Femme aux cartes postales, un regard sur le Québec des années 50, un regard sur l'état du monde au post 11 septembre, un regard vraiment chercher, fouiller, bref, une très très belle BD dont on avait envie de vous parler rapidement. Alors on va le faire à partir de 18h environ aujourd'hui. Également en fin de parcours, Paul Bordelot sera de passage pour nous parler du club de lecture 4x4 de la Maison de la littérature. Donc c'est ce dimanche et c'est son dimanche. Il a choisi 4 livres d'auteurs québécoises, donc dans la lancée un peu de la réflexion sur la bande dessinée et les auteurs féminines. Eh ben donc on va parler un peu de ça avec lui et surtout parler des 4 titres qu'il nous suggère comme lecture. Et dans quelques instants, on aura le plaisir d'avoir avec nous Michel Viaud, un collègue de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée qui a fait un travail de moine. Il a dressé un bilan très complet de la production BD québécoise en 2015. Il en tire également plusieurs conclusions. On va en parler avec lui dans quelques minutes. Également, ben, c'est l'émission post-festival de la bande dessinée francophone de Québec. Si d'ailleurs vous avez envie de voir les rencontres ou quelques-unes des rencontres qu'on a faites au cours du festival, ben, c'est possible d'aller sur laviambd.wordpress.com pour réécouter l'émission de la semaine dernière. On avait le plaisir de rencontrer entre autres Chloé Cruchaudet, Laurent Véron et Lilian. Et on vous partagera également la semaine prochaine une autre grande rencontre qu'on a faite avec l'un des auteurs présents cette année au festival, Romain Renard. Également, dans le cadre du festival, il y avait remise des prix BDIS Causa. Alors, qui sont-ils les lauréats 2016? Mais tout d'abord, le prix Réal Filion, décerné à un auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s'étant le plus illustré avec son premier album professionnel. Eh bien, ça a été remis cette année à l'auteur de Québec, Matt Hordog, pour Les Pieds Palmés, tome 1, Les Terres Arides. Au chapitre des albums francophones publiés hors Québec, 2 prix ont été remis. Le prix Maurice Petit-Didier, un coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger, a été remis aux Equinox de Cyril Pedroza. Le prix Traduction, lui soulignant un coup de cœur du jury pour un album francophone issu d'une traduction, a été décerné à l'album Le Sculpteur de Scott McLeod. Le prix Albéric Bourgeois pour le meilleur album de langue française publié à l'étranger par un auteur québécois, dessinateur ou scénariste, a été remis aux auteurs Delaf et Dubuc pour l'album Les Nombris, le tome 7, Un bonheur presque parfait. Le Grand Prix de la Ville de Québec, décerné pour sa part au meilleur album de langue française publié au Québec, a été remis à Michael pour Promise, tome 3, Incubus. D'ailleurs, Michael avait reçu ce même prix l'an dernier pour le tome 2, donc ça montre, je pense, l'intérêt, le vif intérêt de cette série pour les lecteurs BD. Pour une première année également, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec a remis le prix Jacques Urtubise, une bourse qui vise à favoriser la nouvelle création et les auteurs émergents au Québec. Alors nommé évidemment en l'honneur de l'auteur, scénariste et éditeur Jacques Urtubise, cette distinction a été remise cette année à l'auteur Alexis Giroux pour l'aider à son projet Bras de fer. Alors on parle d'une bourse de 1 000 $, d'une exposition qui sera présentée également lors du prochain festival. Finalement, le prix Albert Chartier, décerné à chaque année en hommage à un individu ou organisme et en marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec, a été décerné au collectif Chien d'An, composé du poète Claude Affly et des illustrateurs Marc-Antoine Nadeau, André Montpetit et Michel Fortier. Chien d'An était au premier plan d'une période charnière du 9e art québécois à la fin des années 60, ce qu'on appelait le printemps de la bande dessinée québécoise, et c'est avec la formation de ce collectif et leur publication qu'a eu lieu une renaissance pour la production production nationale du 9e art au Québec. D'ailleurs, une période qu'on prendra le temps de discuter d'ici la fin de la saison. Autre clin d'œil côté prix, simplement pour signaler que l'Arabe du futur de Riyad Sattouf a été primé au Los Angeles Times Book, donc le 13 avril dernier. Alors, c'est une belle récompense, en fait, pour la catégorie, donc Graphic Novel Comics de ce concours. Alors ben voilà, sinon en musique cette semaine, ben on reste évidemment dans le 8-bit un peu à saveur ambiant avec Rank 197 et leur album Live Fast, Die Young. On écoute un premier extrait. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. J'ai besoin de le rappeler. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Facebook qu'on anime de manière proactive. Au fil des publications, au fil des nouvelles, il reste, et d'ailleurs, publications qui ont été, somme toute, assez nombreuses au Québec au fil de 2015. Et, ben, il y a, comme à l'image de l'an dernier, un rapport qui a été effectué sur la production québécoise en bande dessinée. On avait envie de prendre le temps de vous présenter ce rapport en compagnie de son auteur, l'expert en bande dessinée, auteur également, donc Michel Viau, bonjour. Bonsoir Raymond. Alors, ben, peut-être premièrement, le titre du rapport est assez notable sur une grande tendance que tu as observée dans le regard de ton rapport. Tu dis en fait « Go West, young man ». Donc, semble-t-il que la production québécoise tend tranquillement à se diriger vers l'univers de la traduction pour se diffuser. Oui, c'est un titre un peu provocateur quand même, là. West Young Men, mais c'est une tendance que j'ai observée cette année. C'est un phénomène qui est nouveau, c'est-à-dire que les éditeurs québécois tentent de percer le marché anglo-saxon, le marché canadien-anglais et le marché américain. C'est une nouvelle tendance et je voulais le signaler là, par ce titre un petit peu provocateur. Oui, parce que d'emblée, en fait, dans le contexte, il faut pour qu'elle vive et pour que ses artisans en vivent que la bande dessinée se diffuse à l'extérieur du Québec. Ça, déjà c'est acquis. Et jusqu'à récemment, c'était beaucoup la France qui était visée, ou du moins l'Europe francophone. Exactement, oui. La plupart des éditeurs ont eu des expériences souvent malheureuses là, d'essayer de percer le marché européen, parce que c'est le marché naturel, hein, puisque les livres sont faits en français, les livres québécois sont en français, donc on se dit l'Europe francophone, c'est le marché naturel pour ces livres-là. Mais il faut dire que l'Europe, c'est loin. Il faut envoyer les livres là-bas en bateau, ça coûte assez cher, et puis c'est ça, il faut avoir des employés là-bas, il faut avoir quelqu'un qui va rencontrer le distributeur, le diffuseur, pour présenter les ouvrages, et donc comme l'éditeur est au Québec, ben il faut qu'il engage du personnel, qu'il loue des locaux, et donc c'est quand même assez dispendieux. Et il faut dire aussi, on le sait, là, que le marché européen est très saturé, avec 5000 nouveautés par année qui paraissent en Europe. Alors, donc, c'est très difficile de faire sa marque si on n'est pas là, si on n'est pas présent sur le terrain. Donc, j'ai l'impression que les auteurs, les éditeurs québécois se sont dit, ben, il y a le marché anglophone qui est juste à côté, qui est encore plus vaste et qui est plus près, qui est peut-être plus facile à aller conquérir. Et donc, on voit cette année là des éditeurs québécois francophones qui traduisent eux-mêmes leurs livres en anglais pour le marché canadien-anglais et américain. De ton côté, en fait, tu as identifié notamment Pow Pow et Lunac. Oui, et aussi Presse Aventure. Oui. C'est ça, oui. Donc, Pow Pow a fait une campagne là, de sociofinancement pour procéder à la traduction de 4 de ses titres. Une deuxième campagne va venir au cours de cette année pour encore la traduction d'autres titres, publiés par Pow Pow Press, qui est la filiale, si on peut dire, la branche anglophone de Papa. Lunac publie, depuis ses débuts, publie simultanément ses livres en français et en anglais. Il faut dire que Lunac est habitué, d'une certaine façon, à travailler pour le marché américain. Plusieurs des gens de Lunac travaillent pour le comic. Je pense à Serge Lapointe et quelques autres. Donc, Lunac publie en français et en anglais simultanément ses ouvrages. Et ce qui est de nouveau, c'est quand même, ce qui est étonnant, c'est Presse Aventure. Presse Aventure qui a toujours publié des traductions de bandes dessinées américaines. On connaît Garfield, mais il y a toute une série aussi de petits romans graphiques là, de super-héros publiés par Presse Aventure. Et là, Presse Aventure, qui publie la série à succès, le succès phénoménal L'Agent Jean, a décidé de traduire elle-même cette série-là pour la mettre sur le marché canadien, anglais et américain. Oui, et Michel Viau a fait, concernant Presse Aventure d'ailleurs, autant d'un côté ils sont présents en traduction, qui est une des tendances qui est observée justement dans le bilan que tu as dressé, la BD 2015 au Québec, mais parallèlement, il y a aussi une autre tendance que tu as identifiée, qui est l'association, donc l'idée, dans le fond, qu'on n'a pas nécessairement les moyens, les sous pour faire être présent physiquement sur le vieux continent, mais par contre qu'on peut s'associer à des éditeurs et faire rééditer, dans le fond, des livres en version européenne, et c'est le cas de Presse Aventure, entre autres. Michel Quintin. Michel Quintin. Oui, c'est vrai, Quintin. Pardon. Michel Quintin, il y a même Québec Amérique qui publie très peu de bandes dessinées, mais qui publie le Capitaine Statique de Sempar et Alain Bergeron. Donc, ces éditeurs-là vendent, si on peut dire, leurs droits à des éditeurs européens qui vont éditer les albums là-bas, donc ils vont pouvoir mieux les défendre parce qu'ils sont sur le marché. Donc c'est encore là, on voit, c'est un peu un peu comme comment dire, un abandon du marché européen. On n'essaye pas de le percer, on sait que c'est trop difficile et on préfère laisser un éditeur local s'en occuper. Oui, parce que je pense, en fait, et d'ailleurs tu le notes dans le rapport, c'est à part la Pastèque, il n'y en a pas qui ont réussi véritablement à s'implanter en Europe. Exactement. La Pastèque, c'est depuis ses tout débuts, ça a été, ils ont travaillé patiemment, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé fort, et eux ont réussi à s'implanter là-bas. J'ai travaillé à l'époque pour les 400 coups, et c'était très difficile de percer le marché européen. On essayait avec nos ouvrages. Quand on faisait des albums cartonnés en couleur, le marché québécois était trop petit. On devait absolument en vendre ailleurs pour réussir à ce que le livre soit rentable, qu'on puisse en faire d'autres. Et c'était très, très, très difficile de percer le marché européen. Et quand on passe au marché anglophone, on peut dire, en fait, c'est une nouveauté pour des éditeurs francophones de traduire eux-mêmes leurs titres, mais il y a une belle et une grosse tradition anglophone au Québec aussi, avec Drawn and Carter Lee, qui domine, comme l'année dernière d'ailleurs, et comme d'autres années auparavant, on l'imagine, la quantité de production au Québec. Là. Oui, Drawn and Carter Lee, c'est peut-être le plus gros producteur de bande dessinée au Québec, c'est de la bande dessinée en anglais. Il y a quelques auteurs québécois qui sont traduits par Drawn and Quarterly. Il y en a tout le temps quelques-uns par année, mais ils vont surtout publier des Canadiens anglais, des Américains, ils vont publier même des auteurs finlandais, français, ils publient des auteurs internationaux. Mais il y a quelques Québécois qui réussissent à être publiés par Drawn and Quarterly. Il y avait aussi la maison Conan Drum Press, qui était autrefois à Montréal, qui avait même une collection qui s'appelait Bédingue, qui publiait de la BD québécoise en anglais, qui republiait Philippe Girard, Richard Suicide, des auteurs comme ça. Maintenant, Conan Drum Press est déménagé en Nouvelle-Écosse, mais il continue quand même à publier quelques auteurs québécois en anglais. Donc, comment dire, en fait, ça reste dans le domaine de la bonne nouvelle que notre BD soit toujours plus largement diffusée. Je pense que l'objectif, de toute façon, ça reste que de plus en plus d'artisans puissent en vivre, ce qui n'est pas une majorité actuellement. Oui, oui, peu importe le moyen, que ce soit par des traductions en anglais ou que ce soit des ventes de droits à des éditeurs européens. Ce qui compte, c'est que la bande dessinée soit propagée et que les auteurs puissent en vivre. Et c'est ça, la production augmente à chaque année aussi. Et d'ailleurs, en fait, je pense que répertorier, c'est à peu près quoi, 52 albums qui sont le fruit de scénaristes ou de dessinateurs québécois? Oui, publiés en Europe, oui, en Europe, c'est ça. Oui. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, hein, je pense à des gens comme Yannick Paquette qui travaille aux États-Unis, ou Andy Bélanger, donc qui sont des Québécois, mais qui publient aux États-Unis avec des scénaristes américains. Il y en a aussi plusieurs en Europe, là. Je pense à Jacques Lamontagne ou à JF ou François Miville-Deschênes qui publient des albums souvent sur des scénaristes avec des scénaristes européens directement en Europe. Et si on reste évidemment avec la production québécoise au Québec, alors là, tu avances le chiffre de incluant des albums édités de manière indépendante, à peu près 217 albums pour l'année 2015. À peu près 217. C'est sûr qu'il peut en avoir peut-être 3-4 de plus, là, on ne sait jamais, parce que c'est très difficile pour de répertorier les albums auto-édités. Mmh. Parce que parfois le tirage est minuscule, parfois sont en vente seulement lors d'un événement. Le tirage est écoulé et on n'en voit pas trace. Mais donc, oui, j'en ai répertorié 217 pour cette année, ce qui est un record, ce qui est plus que l'année précédente et que l'autre avant. Et, en fait, c'est une progression constante là, depuis le début du 21e siècle. Et l'an dernier, tu disais, dans le fond, que c'était entre autres le fait d'éditeurs généralistes qui commençaient à ajouter des produits BD. Oui. Cette année, j'ai l'impression qu'on rajoute aussi une production de plus en plus importante du créneau jeunesse aussi. Oui, oui, oui. La BD jeunesse, et c'était un des points de mon rapport l'an dernier, un des points qui m'avait surpris, parce que si on se fie souvent aux médias, on entend parler des romans graphiques, tout ça, et là, je me suis aperçu que la BD jeunesse était plus importante même que la production de romans graphiques. Et cette année, c'est presque équivalent. C'est-à-dire que il y a un petit peu plus de BD adultes que de BD jeunesse, mais si on enlève les albums auto-édités qui sont tous destinés aux adultes, la BD jeunesse prend encore une fois le pas sur la BD adulte. Et puis avec toujours un gros biais pour la BD humoristique aussi, ça reste incontournable. Toujours, toujours. On se sauve pas de l'humour, mais c'est pas nécessairement toujours des histoires humoristiques avec des gags, mais ça peut être des comédies romantiques, des comédies dramatiques, mais il y a tout le temps une touche d'humour là, dans les bandes dessinées. Et parallèlement, on mentionnait tantôt le 217 album. Sur ce 217-là, tu nous rappelles, et on parlait tantôt de Run and Quarterly, mais dans le fond, c'est eux et quatre autres éditeurs qui se partagent pratiquement 40,5% de la production au Québec. Donc, il y a cinq majors, si on peut dire. Exactement. Il y en a un qui est un peu extérieur. Je pense à Scholastic Canada. Qui est un éditeur ontarien, en fait, qui publie beaucoup de livres en anglais, mais on comprend bien que les livres que Scholastic publie en français, c'est à l'usage du marché québécois. Là. Mm-hmm. Le marché francophone ailleurs dans le Canada n'est pas tellement grand. Donc, je le comprends, je l'inclus dans cette liste des éditeurs, et oui, c'est cinq majors au Québec, et ce qui est surprenant, c'est Michel Quintin qui arrive là 2 ans. Michel Quintin publiait pratiquement pas de bande dessinée. Mm-hmm. Et maintenant, c'est un des plus importants producteurs. Oui, puis beaucoup, beaucoup de BD jeunesse, justement. Je pense que c'est pratiquement son terreau essentiel. C'est son créneau à Michel Quintin. C'est un éditeur de littérature jeunesse et... Donc, c'est les bandes dessinées qu'il publie sont des bandes dessinées jeunesse également. J'ai l'impression, à la limite, en fait, qu'on pourrait presque y voir un effet d'entraînement de l'agent Jean, du succès qu'il y a eu, et donc de dire, OK, on est en mesure de pousser et de positionner de la BD jeunesse faite au Québec auprès de lecteurs québécois. Et avec Quintin, on en parlait tantôt, qui se positionne ensuite à l'étranger aussi avec ses productions. Donc. Exactement, oui. Je pense que l'agent Jean et aussi le succès des Nombris, hein, faut pas les oublier. C'est deux séries qui s'adressent aux jeunes et qui ont un immense succès. Et je crois que les éditeurs ont vu là, qu'il y avait de la place pour ce genre de production-là. Et surtout dans un contexte où c'est des albums souvent signés pour plusieurs épisodes. En fait, c'était le cas de l'agent Jean, c'est le cas de plus en plus aussi. J'ai l'impression chez Quintin, en fait, qu'il y a un modèle d'édition plus de construction de marché, là, si on peut dire. Exactement. Oui. Avec l'établissement de séries et graduellement, il y a de plus en plus de séries qui sont offertes par Michel Quintin. La plus célèbre est probablement Gibi de Samuel Parent, qui est diffusée en Europe par Kenes. Mais il y a d'autres séries là, dont les premiers tomes sont parus cette année et on va attendre la suite. Mmh. Et il y a un marché donc qui va s'établir graduellement. Il y a l'éditeur Jeunesse Boomerang aussi, oui, qui publie quelques albums et qui tranquillement établit des séries. Je pense à Biodôme de Johan Morin et Frédéric Antoine, donc qui est rendu à 3 tomes quand même. Fait que tranquillement, donc, on commence à avoir des séries jeunesse là, qui offrent plusieurs albums. Et parallèlement, en fait, deux statistiques sur lesquelles j'aimerais t'entendre. En fait, premièrement, 61 albums sont réalisés par des auteurs étrangers. Donc, en fait, il y a aussi, comme tu le mentionnais, des traductions qui sont faites, mais également des partenariats. En fait, une grosse nouveauté cette année chez Pawpaw, avec Trandem qui a proposé un album édité au Québec, à tout le moins, là. Exactement. Oui, quand je parlais de 61 albums réalisés par des auteurs étrangers, ça comprend des traductions de bandes dessinées américaines, mettons, par Presse Aventure, le Garfield et tout ça. Mais il y a aussi Drawn and Quarterly qui publie plusieurs auteurs étrangers. Comme je disais tantôt, il y en a qui viennent d'Espagne, de Finlande, de Suède, etc., d'Allemagne. La Pastèque aussi publie beaucoup d'auteurs étrangers. Et, comme tu le mentionnais, il y a aussi maintenant le partenariat entre l'association et Pawpaw qui permet à Pawpaw de rééditer ici, de coéditer ici pour le Québec, pour le marché québécois, des auteurs publiés par l'association, dont Trandem, là, avec son premier album qui est paru là en tout début d'année. Et dernier point, c'est comme un peu, j'ai l'impression, la grande question, quand on parle de bande dessinée en général, la bande dessinée numérique, est-ce que finalement ça lève un peu au Québec? Est-ce que ça démarre? J'ai pas vraiment l'impression. Il y a eu quand même plusieurs livres numériques, mais il faut dire que là-dessus, il y en a plusieurs que c'est moi qui les ai réalisés pour les éditions Mémoire. C'était la collection Chronographe, donc qui publie, qui réédite des vieilles bandes dessinées du patrimoine qui sont complètement oubliées, qu'on pourrait pas imprimer en version papier parce que ce serait pas rentable, là. Fait qu'on le fait en numérique. Mais sinon, si on exclut ces livres-là, il y en a pas beaucoup. Il y a eu Annie Groovy qui a récupéré les droits sur ses albums suite à la faillite de La Courte Échelle et qui a réédité en format numérique plusieurs albums de son personnage, Léon le Cyclope. Mais à part ça, il y en a très, très, très peu. Mais c'est pratiquement toujours des livres qui existent en version papier et qui a une version numérique qui est offerte, comme Québec Amérique qui offre une version numérique de tous ses livres en format papier. Donc, c'est pas nécessairement qu'on cherche à percer le marché numérique, c'est que c'est aussi une offre qu'on fait avec les ouvrages là, généraux. Donc, pour ce qui est des livres purement numériques, il y a eu les rééditions de Annie Groovy et les rééditions patrimoniales de Mémoire. On peut pas vraiment dire que c'est un marché qui est en expansion, mais je sais pas à quel point c'est rentable. Ça sera à suivre, évidemment, au fil des années à venir. Et d'ici là, en fait, si les gens, d'ailleurs, veulent mettre la main sur le rapport, il est disponible sur acbd.fr, donc le site de l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée. Le rapport 2014, lui, est disponible sur le site des éditions Mémoire également. Oui, c'est ça. Sur le site de Mémoire, on trouve le rapport de 2014, le rapport de 2015. Et sur le site de la CBD, maintenant, le rapport est patronné par la CBD. Et on peut trouver le rapport sur leur site. Et le rapport général sur la production européenne, le rapport Ratier, qu'on dit. Oui, avec les 5000 titres que tu parles, dont tu parlais tantôt. Oui, exactement. Michel Viaud, donc journaliste expert historien en bande dessinée, merci. Ça me fait plaisir. Et à la prochaine. Ça marche, au revoir. Au revoir. Alors voilà, petit rappel, on parlait donc de ce bilan de la bande dessinée québécoise 2015 que dressait Michel Viaud pour le compte donc de l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée. Thank you. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30 pour parler bande dessinée. Et on se plonge dans quelques prix. On parlait des BDistes Causa, c'était les finalistes. Il y a les BDistes qui s'en viennent également. Début mai, on connaîtra les finalistes, les nominés. Et maintenant, on connaît les finalistes, les nominés, les albums nominés, les auteurs nominés pour les Doug Wright Awards. Ça a été publié tout récemment. Alors, on parle notamment pour meilleur livre, meilleur album de Michael DeForge pour Ant Colony, de Nina Bunjevac pour Fatherland, de Jesse Jacobs pour Safari Honeymoon, de Ray Fox pour The People Inside et en fait de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki pour This One Summer. Parenthèse, petit rappel, les Doug Wright Awards, c'est les prix pour la bande dessinée canadienne, les prix très respectés par ailleurs. On parle notamment aussi d'un prix Spotlight qui appelle en fait donc l'idée de souligner le travail de dessinateurs ou de scénaristes qui mériteraient une reconnaissance plus large. Alors on parle d'Aaron Castain, Entropie 10, d'Elisabeth Béliveau, One Year in America, Julie Delporte pour Everywhere Antennas, en fait en version française d'ailleurs, je vois des antennes partout chez Pow Pow, Max Fitzgerald pour Photo Booth Biography, Simon Roy pour Tiger Lung, Sophie Hanau for War of Streets and Houses, qu'on a vu également en traduction française, en version originale française, en fait, du côté de La Mauvaise Tête, La Guerre des Rues et des Maisons. Enfin, le prix Pigskin Peter Award, qui, lui, reconnaît les exercices plus expérimentaux, l'avant-garde. Alors là, on parle de Comics Collection 2010-2013 et Lest and Dust de Julien Secaldi. Great Success d'Henriette Valium, 1983-2013. New Comics 3-5 de Patrick Kyle, Undocumented, The Architecture of Migrant Detention de Things Chak, et enfin Swine's Prison de Connor Williamson. Alors ça va être remis au Toronto Comics Art Festival d'ailleurs, donc au début de mai. Alors on aura assurément l'occasion d'en reparler. Également, il y aura donc honneur qui sera donné pour le Canadian Cartoonist Hall of Fame, et cette année ça va être l'illustrateur de la London Free Press, Merrill Tingley. Petite mention avant de retourner en musique également, puisque outre les Doug Wright Awards, il y a également les nominations aux Eisner Awards qui ont été annoncées. Ça, c'est les prix américain. Alors ça va être remis à la fin juillet au Comic-Con de San Diego, qui est le plus gros des Comic-Con. Alors on parle donc d'un nombre assez important de nominations. On parle quand même de 30 catégories globalement, les histoires courtes, one-shot, séries longues, anthologies, rééditions, dessins, lettrages, etc. D'ailleurs, en fait, on parle donc de beaucoup de publications qui viennent de la sphère européenne, qui s'y retrouvent. 61 nominations liées à la BD franco-belge, 44 l'an dernier. Cette année, c'est 6 albums qui ont été publiés dans la sphère plus franco-belge qui s'y trouvent. L'Arabe du futur, Anna Banana and the Chocolate Explosion, donc Pico Bug en fait, mais en version anglaise. La Marche du crabe également, Un regard par-dessus l'épaule, Orignal, donc de Max de Radigazer, qui était de passage à Québec la semaine dernière, et aussi K.O. à Tel Aviv, donc qui se retrouve parmi les nominés. Peut-être je vous lance meilleur one-shot et meilleure série, mais sinon j'ai relayé l'ensemble des titres sur le Facebook de la en BD, donc vous pouvez descendre un peu plus bas, vous allez trouver ça. On parle entre autres, donc pour meilleur one-shot, A Blanket of Butterflies de Richard Van Camp et Scott B. Anderson, I Love This Part de T.D. Walden, Mowgli's Mirror d'Olivier Schrauen, Pope at 4 d'Ethan Reilly et Silver Surfer 11 de Dan Slott et Michael Hallred, et enfin meilleure série pour Bandit de Paul Tobin et Colin Cunkover, Giant Days de John Allison, Lisa Treyman et Max Seyrin, Invincible de Robert Kirkman, Ryan Utley et Cliff Radburn, Silver Surfer de Dan Slott et Michael Allred, et enfin Southern Bastards de Jason Haran et Jason Latour. Alors voilà pour ces regards. Je vous redonne d'ailleurs le Facebook La Vie en BD, facebook.com/La Vie en BD. On a relayé les listes, alors vous pourrez les y trouver de manière assez facile. Wow. Et pour ce prochain segment de La Vie en BD, on porte maintenant un regard sur un album qui nous arrive du côté des éditions La Pastèque. Un bel album, un bel objet autant qu'un beau récit. Ça s'appelle La femme aux cartes postales. Et on a au bout du fil dessinateur, scénariste Jean-Paul Hyde. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, La femme aux cartes postales, un peu un récit en deux périodes temporelles, ou on pourrait dire même en trois périodes temporelles, des périodes charnières. Donc, dans ce livre-là, vous nous amenez dans le monde, en fait, l'Amérique post-11 septembre, dans le Montréal des années 50, la fin des grandes années du cabaret, et dans les dernières années du régime de Batista à Cuba. Oui, c'est ça. En fait, c'est deux destins qu'on raconte. C'est la destinée de deux personnes qui, à 40 ans de distance, vont se rencontrer à travers une boîte de souvenirs, une boîte, en fait, de la correspondance, parce que c'est une espèce de roman épistolaire qui est raconté à travers des souvenirs de tournée, des souvenirs, et entre autres, des cartes postales. Et donc, ça permet de faire justement des allers-retours, de jouer un peu avec l'information qu'on a, l'information que l'autre découvre. Il y a un jeu de correspondance, au bout du compte, comme vous disiez, entre les deux périodes. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est deux quêtes. On suit Victor Weiss, qui est anthropologue, il est professeur à l'université, il est à Paris, et il tombe par le plus grand des hasards sur les traces de sa famille naturelle. Lui, il a été adopté à la naissance. Et il va avoir à faire, en fait, la fouille la plus importante de sa vie, c'est celle de ses propres origines. Et on suit parallèlement l'histoire de Rose Grenier, qui, en 57, qui quitte sa maison natale en Gaspésie avec un rêve en tête, celui de monter sur les planches des fabuleux cabarets de Montréal pour chanter. Elle adore le jazz et elle espère y faire carrière. Et je mentionnais tantôt, enfin, on est dans des périodes charnières, des périodes de changement, face à ces deux destins qui se cherchent là, dans le fond, et ces deux, c'est un peu une quête d'identité aussi. J'imagine que c'est pas par hasard qu'on les place dans des moments où le monde est en train de changer. En fait, non, on s'est rendu compte, une fois qu'on a établi, je dis « on » parce qu'on est deux, en fait, il y a Claude Paiement qui est co-scénariste, qui a été mon co-scénariste à l'époque où je faisais Memoria, donc c'est notre deuxième collaboration pour de la bande dessinée, et donc c'est ça, quand on a établi un petit peu l'intrigue, à ce moment-là, est venu le temps de la positionner sur le calendrier de l'histoire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une bonne partie qui allait se passer comme ça à la fin des années 50, donc juste avant la Révolution tranquille. Et on a un peu pris goût à cette période-là parce que c'est une époque de transition, c'est une époque de grands changements, et particulièrement à Montréal, parce que Montréal est presque un personnage en soi. Et les périodes de transformation comme ça sont des périodes très intéressantes parce qu'on voit les gens évoluer. Les gens sont en train de se poser des questions, sont en train de réaliser des choses. Rose est en train de vouloir s'émanciper, de vouloir avoir un destin qui va être différent de celui de sa mère. On va passer à Cuba aussi, à Cuba où il y a un peuple entier qui, lui, a décidé qu'il ne serait pas gouverné par la mafia. Et puis, évidemment, tout ça avec le reflet de ça dans 2001, c'est l'effondrement des tours qui amène, évidemment, c'est le début d'un nouveau millénaire, le début de tout un changement. Et puis, c'est ça, en fait, c'est les périodes de transformation, comme en fait les personnages aussi, les personnages qui se transforment durant le récit, c'est toujours les personnages les plus intéressants. C'est ce qui fait qu'ils sont pas unidimensionnels, en fait. Et ce qui fait qu'on découvre, j'imagine aussi, en faisant la recherche historique, la nature de ces transformations. Il y en a qu'on connaît un peu mieux, comme celle de 2001, mais il y en a d'autres qu'on découvre avec un regard nouveau aussi, et un regard renouvelé, comme le Montréal des années 50, qu'on connaît un peu parce qu'on en a vu, mais j'imagine qu'à le fouiller, comme vous l'avez sûrement fait pour La femme aux cartes postales, on découvre des nouvelles tranches, des nouvelles assises. Ça s'inscrit vraiment dans le milieu du spectacle. Donc, on était dans évidemment, les cabarets, c'était les spectacles de variété. Et le pendant qui était plus anglophone, qui était les boîtes de jazz. Et c'était une époque un peu triste parce que c'est la fin de la période glorieuse de ces années-là, de Montréal, la capitale du jazz, parce que trois raisons, évidemment, l'arrivée de la télévision, dorénavant les gens n'ont plus à sortir de chez eux pour aller voir le spectacle, ils peuvent voir leur vedette directement dans leur salon, c'est l'arrivée du rock'n'roll. Le rock'n'roll qui va complètement changer la donne. Et évidemment, c'est l'arrivée du maire Drapeau qui, lui, va mener une guerre à finir avec contre le crime organisé qui avait la main mise sur la plupart des clubs du centre-ville quand ils en étaient pas carrément propriétaires. Et les victimes collatérales de ça, c'est qui? Ben, c'est les musiciens. Et c'est un peu ce qu'on a découvert là-dedans. Donc c'est un peu une époque en même temps un peu triste. On en est nostalgique. On voit passer les derniers tramways de Montréal. La ville va détruire des quartiers entiers. Nous autres, on le sait. Nos protagonistes s'en rendent compte parce qu'il y a des gens de la ville qui sont là en train de prendre des photos des maisons qu'on va mettre à terre. Donc tout ça, c'est une réalité qu'on a un peu découvert au fil de notre travail. Et ce qui est bien dans une bande dessinée, contrairement au cinéma, par exemple, où on n'a pas à s'attarder au budget, c'est qu'on peut profiter de ce qu'on trouve en cours de route, même des photos qu'on trouve en cours de route, pour modifier notre scénario, en fait, modifier la mise en scène, pour s'arranger pour que, par exemple, une scène qu'on trouve importante de l'époque, qu'elle soit illustrée dans le récit. Et ça, ça a été un véritable plaisir, là, de l'inscrire comme ça sur la trajectoire de nos personnages. Oui, puis en même temps, c'est un peu se poser la question, mais OK, on a une photo d'archive, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, et de quelle manière, dans le fond, on peut amplifier, on peut négocier autour de cette image-là en la reproduisant presque en esprit dans le récit, dans l'album? Oui, ben en fait, évidemment, ça a été je dirais, beaucoup de nos idées sont parties de photos qu'on a réussi à retrouver. C'est une époque qui est assez fabuleuse pour ça, parce qu'on a beaucoup de photos, et c'est quand même une époque qui est révolue. Il y a beaucoup de ce qu'on voit qui n'est plus là. Ce qui fait que nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire avec une approche, faut dire que c'est un livre qui est assez consistant. On parle de 230 pages à peu près, et on essaye d'avoir une approche, moi ce que j'appelle l'approche cinématographique, en fait, c'est vraiment de faire du mouvement de caméra, c'est-à-dire de prendre le temps, de faire des longs travelling avant qui peuvent prendre 4 voire 8 cases, que la caméra bouge, que la caméra rentre dans les escaliers et en fait qu'elle rentre carrément dans les photos d'archives qu'on a pour pouvoir faire cette expérience immersive-là, de marcher sur les trottoirs qu'on voit, de passer devant les fenêtres, de monter les escaliers, et etc. Donc, c'est vraiment donner vie à des documents qui sont évidemment immobiles. Souvent, c'est des documents qu'on connaît, c'est des documents qu'on a vus et qu'on... Je dirais que tout le plaisir là-dedans, c'est d'y insuffler la vie, quoi. Oui, puis en fait, justement, avec l'idée de faire vivre, justement, de jouer avec des travelling, avec des silences, dans le fond, de permettre aux ambiances de parler d'elles-mêmes, d'une certaine manière. Oui, exactement. Les ambiances, ça, c'est quelque chose qu'on voulait installer. C'était le plaisir que moi, je me suis offert. C'est vraiment, on est... pour faire ça, il faut de l'espace. Il faut de la page. Les silences, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose. Il y a rien qui ne parle plus qu'un silence, en fait. Et d'avoir, de me permettre des pages entières de silence, c'est vraiment un grand, grand luxe. La manière qu'on a fonctionné, c'est qu'on avait vraiment un scénario qui ressemblait un peu à un scénario de film ou une pièce de théâtre. Claude, qui est mon co-scénariste, est auteur de théâtre. Il connaît relativement peu la bande dessinée, ce qui fait que nous autres, on s'est rejoints. Ou je dirais dans le monde du cinéma, on s'est écrit un film et donc c'est ça. J'ai perdu mon idée où est-ce que je voulais en venir là. donc sur l'importance des silences, de faire vivre les ambiances. Alors c'est ça, l'importance des silences. On attaquait les chapitres un par un sans savoir le nombre de pages que ça allait prendre. On a vraiment travaillé de façon très organique. Alors, je commençais le chapitre en me disant « Ah, allez, on va commencer par 2 pages silencieuses. On suit le petit chat qui va passer par la fenêtre et qui va aller dans le corridor, qui va pousser la porte, qui va monter sur le lit. » Ça, c'est des décisions que je prenais vraiment en attaquant ça chapitre par chapitre. Donc, ce qui fait que j'avais aucune idée de combien de pages ça allait faire à la fin, mais je voulais à tout prix prendre le temps d'installer ces atmosphères, d'avoir ces caméras-là qui longent les murs, qui présentent les décors, qui font rentrer entrer le lecteur dans le décor. Oui, puis qu'ils deviennent presque, dans le fond, votre contrainte, comme metteur en scène de ça, en disant, mais OK, faut que je développe cet aspect-là, c'est ce sur quoi je mets, entre autres, évidemment, parce que c'est pas le seul aspect, mais entre autres l'accent. Donc, ça devient un peu une contrainte, une obligation, parce que si on commence à installer ça au début, il faut le tenir aussi sur l'ensemble de l'histoire. Oui, ça, c'est sûr que c'est un rythme que tu installes. Et à partir du moment, en fait, c'est comme une espèce de vitesse de croisière. À partir du moment où tu détermines la vitesse de croisière, eh ben tout ce que tu dévoiles, l'importance des scènes doit être en fonction de cette vitesse-là. Donc, si tu as pris le temps pour montrer des détails, pour mettre l'atmosphère, à partir du moment où tu arrives à une scène extrêmement importante ou extrêmement dramatique, il faut prendre le temps aussi, parce que on ne peut pas la faire courte tout à coup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'installe, c'est vraiment la vitesse que tu installes au début, donc c'est quelque chose qu'il va falloir, qui va devoir suivre tout le long du récit. Et évidemment, tout ça supporté par des personnages, puisque c'est eux qui habitent aussi, outre l'univers lui-même, donc l'histoire, l'historicité, si on peut dire, qu'il y a dans l'album, c'est habité aussi par des personnages qui doivent être charismatiques, qui doivent intriguer le lecteur pour qu'on ait envie de voir, de les découvrir, de les voir vivre, de les voir exister dans ce temps, dans cette ambiance que tu crées. Oui, oui, c'est ça. Ben, je dirais que Claude a été de... a aidé beaucoup là-dedans. Faire des personnages, dessiner des personnages, c'est une chose, mais c'est à partir du moment où on leur met des mots dans la bouche qui se mettent à avoir une véritable personnalité. Et Claude est quelqu'un qui est un très bon dialoguiste, enfin moi je trouve. Là, moi ma force, c'est plutôt la construction du récit. Et entre autres, on a des scènes, des huis clos, toute la dernière partie du film, c'est des scènes où on a relativement peu de personnages dans un seul endroit, et là, les choses sortent dans le non-dit, dans les regards, dans les silences. Et c'est là que la personnalité des personnages est vraiment prend toute sa profondeur, en fait. Et donc, ça passe beaucoup, beaucoup par le dialogue. Mais quand je dis le dialogue, on s'entend, c'est pas nécessairement des tirades, c'est souvent des bouts de phrases, c'est souvent des phrases qui sont coupées au milieu, c'est des hésitations, c'est la manière qu'on a de placer un silence entre la question et la réponse, par exemple. Et tout ça, je reviens sur le contexte du huis clos, il y a un défi de mise en scène aussi quand on arrive à ce moment-là. J'imagine que le lieu, il faut le documenter, il faut avoir pensé, imaginé toutes les manières de le proposer. C'est pour que ça soit dynamique sur la feuille. Oui, en fait, le huis clos, moi, c'est contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, moi, c'est pas nécessairement les gros décors détaillés qui me font peur. Ça, je sais que c'est payant, ça, faire ça, c'est assez simple. L'effet est un peu mécanique. Le plus difficile, c'est les huis clos, parce qu'un huis clos, il faut que ce soit fait avec retenue. On peut pas faire de l'effet. Ça repose sur le jeu des comédiens. Ça repose sur et on a relativement peu de moyens avec la caméra, avec les dessins. Faut pas que le dessin vienne combler cette espèce de la place qu'il y a là. Faut laisser les personnages parler, jouer par eux-mêmes. Et puis moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur, parce que là, je savais qu'il y avait toute une partie de ce récit-là qui allait être une partie assez dramatique, d'ailleurs, qui allait être dans une seule maison. Et cette maison-là, nous autres, on l'a trouvée, on a fait du repérage, un peu comme au cinéma. On a trouvé une maison, qui est une maison qui est à Montréal, ironiquement, là. Ben, nous autres, on prétend qu'elle est en Gaspésie, et qui appartient à la ville, une maison qui avait l'âge de la maison qu'on voulait, qu'on a visitée, on est rentré avec des caméras, on a vraiment ausculté toute la place, pris toutes les photos pour la mise en scène. Et donc, c'est à partir de ça donc qu'on a pu faire toute cette mise en scène-là autour de ce huis clos entre les quelques personnages. Et tout ça, en fait, dans un contexte d'un récit qui est développé de longue haleine, si je me trompe pas, Jean-Paul Hyde, j'ai cru lire à quelque part que c'est à peu près 10 ans, bon, pas de travail à temps plein, mais d'aller et de retour sur ce scénario, sur cet univers-là. Oui, c'est ça. Ben, je dirais, c'est 10 ans, c'est sûr que moi, j'ai eu le temps de faire le fond du trou, j'ai eu le temps de faire des tas d'autres choses, et Claude a eu le temps d'écrire des pièces entre-temps. Mais c'était un scénario qui avait besoin de macérer, de mûrir, en fait, comme en fût de chêne, là, comme un bon vin, et puis qu'on l'oubliait pendant plusieurs mois, on le ressortait, et tout à coup, on voyait, bon, il y a des trucs qui nous sautaient au visage. Et c'est un scénario qui, quand même, qui est pas linéaire, qui c'est vraiment deux histoires qui se tricotent l'une avec l'autre et à des époques différentes, donc ça peut être complexe. C'est le genre de scénario que j'aime bien, soit dit en passant. Et c'est sûr que c'est pour rentrer comme ça dans des sujets, dans des époques, il faut prendre le temps, il faut s'en imprégner, il faut en fait que le sujet d'un livre devienne pratiquement une passion pour vraiment habiter le sujet et en faire quelque chose qui soit incarné. Et pour l'interstice entre justement le fond du trou que tu mentionnais et la femme aux cartes postales, on voit un peu aussi dans le fond le travail que t'as fait, les explorations que t'as faites au niveau graphique sur les aspects visuels avec d'autres types de travail que ceux d'albums BD pour en arriver à cette étape, à cette nouvelle étape qui est la femme aux cartes postales. Oui, ben en fait moi je fais parallèlement à ça, je fais de l'illustration, puis j'ai des clients. C'est assez large, mais en fait le travail que je fais pour la carte postale, pour la femme aux cartes postales, c'est un travail en illustration que je fais depuis des années. C'est en faisant Bigra que je suis comme revenu, j'ai ressorti mes pinceaux et mes pots d'encre pour reprendre le style que j'avais parce que je trouvais que le sujet valait la peine qu'on sorte un album. Mais dans les faits, ce que je fais maintenant, cette espèce de crayon ou la vie avec une approche peut-être un peu plus réaliste ou plus documentée, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Là, j'ai des clients qui sont des musées, qui sont des livres de référence, etc. Alors, ben, on découvre évidemment cet univers, ce récit, ça s'appelle La femme aux cartes postales. Jean-Paul Hyde, merci beaucoup. Merci Raymond. Au plaisir. À bientôt. Alors, je rappelle donc La femme aux cartes postales, le scénario de Claude Poliquin et Jean-Paul Hyde, dessiné par Monsieur Hyde, c'est aux éditions La Pastèque. Toujours à l'antenne de CKRL, La vie en BD avec vous, 17h30 à 18h30 tous les vendredis. Et je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez nous suivre également via mon blog personnel, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Et on tombe maintenant dans l'aspect événementiel, autant que dans l'aspect idée de lecture, qui est toujours appréciable. Alors c'est la gang de la Shop à Bulles du côté de la Maison de la Littérature, donc atelier d'auteurs BD, et qui offre 4 fois l'an donc des suggestions de lecture autour d'un club de lecture. Donc l'idée, c'est d'aller en discuter autour d'un café et d'un croissant. La prochaine rencontre discussion aura lieu ce dimanche à 10h à la Maison de la Littérature, Centre Libre. Et ben question soit de nous donner envie de lire les livres et d'aller en jaser, ou de simplement les lire. Mais on a invité le Chopin, responsable de la rencontre de ce dimanche, Paul Bordelot. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors de ton côté, t'as choisi de mettre les femmes à l'honneur dans ta sélection. L'idée m'est venue, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, là, mais avec ce qui s'est passé à Angoulême, la grosse controverse qu'il y a eu en janvier dernier, je me suis dit, pourquoi pas, notre réalité est différente, je crois, ici. Alors, je voulais aussi mettre en lumière nos auteurs féminines québécoises. Ouais. Puis t'as été, de manière générale, en fait, avec une sélection assez récente, en fait, 3 titres qui ont été publiés dans les dernières années, un titre qui est peut-être un peu plus ancien, en fait. Oui, c'est ça, l'affaire Madame Paul de Julie Doucet, qui est un peu la contemporaine de certains auteurs québécois, donc, qui font de la BD de ce genre-là. Et on a aussi Caton Iris avec la liste des choses qui existent. On a Bach avec C'est pas facile d'être une fille. Et le Stitcha, Thomas. Bon, on aura pu lire les trois, là, mais moi, je leur proposais à notre club de lire le premier, le Stitcha, chez Delcourt. Ouais. Mais peut-être d'emblée, en fait, Julie Doucet, quand on parle de bande dessinée et d'auteur BD avec un E, ben, en fait, c'est comme incontournable. J'ai l'impression que c'est dans les premières auteurs à avoir pris leur place avec peut-être Sylvie Rancourt, Mélodie, mais je veux pas, on peut pas parler de BD québécois sans parler de Julie Doucet, même. Exact. Elle a été publiée à l'association, une des premières. Elle était même parmi, lorsque Angoulême a eu sa fameuse débâcle récente, là, on avait, comme auteur, on pouvait proposer des noms et elle est revenue souvent sur le dessus de la pile là, chez certains. Donc, Julie a marqué vraiment la bande dessinée québécoise des années 80-90. Et pourquoi l'affaire Madame Paul? Ben, écoute, nous aussi, on a à gérer aussi la collection de l'Institut canadien. Donc, on propose les livres qui nous intéressent dans le club de lecture et on se doit aussi de coller avec ce qu'il y a dans la collection. Donc, certains livres de Julie n'étaient pas disponibles. Celui-là était plus facile à avoir pour tous ceux qui font partie du club de lecture parce qu'ils doivent lire les quatre livres. Et après, on en jase, comme tu dis tout à l'heure, autour d'un café croissant. Donc, celui-là était plus facile à trouver en quantité dans la collection de l'Institut canadien. Donc les bibliothèques du réseau des bibliothèques de la Ville de Québec. Un côté pratico-pratique. Ouais, en même temps, ouais. Ça devient une bonne porte d'entrée pour ceux qui connaissent pas l'univers. Oui, c'est vrai. Qui est très BD. En fait, on pourrait l'associer à la... Ben, d'ailleurs, en fait, c'est pas pour rien que Crumb l'avait remarqué à une certaine époque. Elle a un style très collé à la scène indépendante américaine. Underground. Américain, hein. Exactement. Avec... sa fameuse Dirty Plot, là, son livre phare, là, qui a marqué beaucoup de nous, lecteurs de bande dessinée des années 80. Ouais. Et t'as décidé, en fait, évidemment, ça reste une amorce de discussion, donc en parallèle, t'as été aussi vers d'autres récits, mais vraiment vers des récits où l'auteur se met en scène, à tout le moins, où on met en scène un avatar de lui-même. Ouais, ben, je voulais avoir des scénarios aussi, juste des livres illustrés par des femmes auteurs, mais vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, autant Bach que le Stitcha d'Iris et Sviane sont complètement à l'opposé, selon moi, dans leur façon d'aborder le thème. Oui, ben, en fait, le Stitcha, c'est carrément un regard féminin sur la culture masculine, sur l'amitié masculine. Oui, oui, oui. Puis comment on l'interprète, comment on la vit. Exactement. Je trouve ça super intéressant en tant que gars de lire ça. Il y en a certains même, parce qu'à l'époque, le Stitcha s'était pré-publié en blog sur Internet. Il y a plusieurs lecteurs qui croyaient que c'était des gars qui écrivait le Stitcha. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis moi, je trouve que c'est une très belle œuvre. Les trois tomes de Stitcha, je trouve que c'est vraiment, si vous avez le goût de lire la bonne BD québécoise, selon moi, ça en est trois beaux tomes. Oui, puis avec une dynamique de dessin assez particulière, où dans le fond, c'est un dessin à quatre mains. C'est pas une des deux qui a dessiné, c'est les deux qui dessinaient et qui avaient cette intimité entre elles. Oui, puis exactement. Puis dans la même chose aussi pour la liste des choses qui existent. On passe d'un auteur à l'autre. La coloration permet de unifier tout ça. Mais dans le cas de le Stitcha, t'as raison, c'est du noir et blanc. Les deux styles différents, mais quelquefois, on se fait avoir même parce que le récit est tellement bien ficelé qu'on voit plus le dessin. Ça passe, on passe ailleurs, on rentre dans l'histoire. C'est un page-turner, hein, le Stitcha. Quand tu termines le 1, t'as hâte de lire le 2 puis le 3. Donc, je trouve ça intéressant de voir aussi cette dynamique-là qui existe dans la bande dessinée faite par des femmes. Puis, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les gars et les filles au Québec dans notre façon d'aborder le récit? C'est ça que je vais essayer de mettre en lumière un peu dimanche. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, tu as différents styles de récit, en fait. Donc, Julie Doucet, qui est plus dans une fiction, mais féminine, si on peut dire. Ouais. Le Stitcha a fait un regard, donc, comme on disait, féminin sur l'amitié masculine. La liste des choses qui existent, c'est plus un faux dictionnaire. C'est très, très drôle, ouais. Ça rajoute un petit côté un peu plus léger à notre lecture, parce qu'il fallait aussi lire. Le but d'un club de lecture, c'est de se rencontrer puis de parler. Il y a certaines personnes qui vont pas aimer du tout un livre. Ils sauront même pas quoi dire. Ils l'auront pas aimé. Un point, c'est tout. Ils auront pas aimé le dessin. Alors là, je pense qu'on ratisse assez large là, dans ce qui existe en bande dessinée faite par des femmes au Québec. Oui, puis qu'est-ce qui t'a accroché sur la liste des choses qui existent? Ah ben écoute, moi j'adore Iris et Caton, j'adore Duviane, je les adore toutes là, mais je trouvais que puis d'ailleurs il y a un deuxième qui est sorti. Ben écoute, je suis fan d'eux, donc c'est difficile de dire ce qui m'a accroché. Je pense que j'aime tout, j'aime autant le côté révérencieux puis un côté aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je lis là, c'est en train de me faire avoir à la fin de chaque petite histoire sur les lunettes et tout. Il y a un fond de vrai, mais après ça, elles partent puis dans un délire. Puis je m'imagine les deux filles en train de scénariser. Puis j'ai bien du fun à m'imaginer ces deux filles-là en train d'écrire ces histoires-là. Oui, j'avoue qu'il nous faudrait le making of. Oui. Il y aurait de quoi. Mais je les ai pas interviewées. Je leur ai posé quelques questions à chacune. Ils m'ont répondu par Internet. Ils m'ont envoyé des articles et tout. On se documente aussi pour le club de lecture. Oui, parce qu'il faut que t'animes, toi, une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes. On est une quinzaine, et puis ça dure à peu près 2 heures à la Maison de la littérature. Il faut avoir déjà été préinscrit, et j'ai la chance d'avoir Bac avec moi. Je l'ai invité, donc elle va être là. Pour parler de l'autre sélection, le tourment ne s'est pas passé d'être une fille. C'est ça, exactement, puis elle va avoir une des originaux aussi, fait qu'on va pouvoir voir son travail. Ceux qui vont être avec nous, là, vont pouvoir voir un peu comment elle fonctionne aussi. Et puis ouais. dans le cas de C'est pas facile, on est vraiment dans le récit autobiographique, de l'autofiction, en fait. Bac se place beaucoup dans la lignée de Margot Motin qui l'avait beaucoup inspiré. C'est vrai. Puis c'est bien fait aussi. J'ai pas lu le deuxième encore. Mais c'est un truc, c'est très très féminin, mais en même temps, je sais pas, c'est très universel aussi la façon qu'elle l'approche sa vie à elle. Est-ce que c'est tout à fait elle? Je sais pas. Il va falloir voir. Là. On va lui poser la question. On va avoir la chance d'avoir avec nous. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Oui, ça va t'aider comme animateur, justement, animer les échanges. Oui. Puis jusqu'à présent, en fait, d'ailleurs, ça se passe bien. C'était le troisième. En fait, le quatrième va être plus en juin. Donc... Michael en juin avec la bande dessinée de reportage. Puis on va revenir. Ça revient l'année prochaine, le club de lecture. Je vous invite, ceux et celles qui ça les intéresse, à aller sur le site de la Maison de la littérature. Il y a toutes les informations qui sont là. Puis Si on a manqué la lancée cette année, c'est possible de le faire. On va le refaire parce que ça a été un beau succès. Ça ouvre des horizons chez des lecteurs, lectrices qui des fois restent figés peut-être sur leurs anciens amours en bande dessinée. Il y a tellement de choses qui existent, puis on leur permet en ayant des thèmes très précis à chaque fois. Tu sais, comme tu avais vu avec Richard, on était dans l'Heroic Fantasy puis le Space Opera. Jeff, on a traité de l'art dans la bande dessinée, dans l'art pictural. Moi, je vais plus du côté un thème sur la bande dessinée faite par des femmes au Québec. Puis à chaque fois, on va essayer de trouver un nouveau thème qui va intéresser tout le monde. Et en fait, donc on peut aller écouter à tout le moins. Oui. Donc dimanche à 10h, donc autour d'un café croissant et sur le site de la Maison de la littérature, en fait, maison de la littérature.qc.ca, tout simplement. Mais on peut aller voir les informations pour le club de l'année prochaine et déjà s'inscrire. Paul Bordelot, merci. Merci à toi. Et c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, une rencontre avec Romain Renard autour de Melville, Catherine Oslo pour son talk show et plus. C'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.